l'utilité s'est faite la malle. Vive la pensée bon marché. Les idées qui sortent de la normale sont jamais bonnes à épouser. Ainsi violemment je condamne la marge et l'excentricité. Tous ces gens à l'esprit bancal qu'on ferait bien mieux d'enfermer. Que tu racontes, bonnet d'âne, c'est pas ton avis, t'es le relais de la pensée commune qui ne charme que toi qui es un peu nié. Mais c'est pas ta faute, y'a Panam et tous les gars de la télé qui te refourguent leur morale, et ça marche même pour les athées. Pas les étrangers critiquent l'artiste et battent la femme. Disent aux homos t'es qu'un pédé. Cette suffisance animale pour tout ce qui est formaté, ça m'attriste fort, messieurs, mesdames. Plus que croire, il vaut mieux penser.